La police dit qu'il y avait environ 500 personnes. 500 ? Tu plaisantes ? Il y en avait bien 2000 ! Bon, allez, entre les syndicats et la police, on coupe la poire en deux. Disons qu'il y en avait à peu près 1000.